Si le monde paye plus haut, paye son argent et son or, et que tu dois vivre misérablement. Souviens-toi dans sa parole, comme il nourrit même les oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Laisse-les, abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Si tu crois dans tes failles, il pourra te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Laisse-les, abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Si tu crois dans les failles, il sera te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Si ton corps endure la peine, sans récupérer la santé, ton âme presque noyée dans le désespoir. Jésus sait ce que tu sens, il peut sauver et guérir. Abandonne tes pardons à ton Seigneur. Laisse-le, abandonne tes pas à ton Seigneur. Et tu crois dans tes foyers, il sera tes secourir. Abandonne tes pardons à ton Laissez-le, laissez-le, abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Et dites-moi, sans défaillir, il sera tes secourir. Abandonne tes pardons à ton Seigneur. Quand tes ennemis t'assaillent, ton cœur commence à faiblir. N'oublie pas que tu réponds à la prière. Il verra une fois pour toi et conduira sûrement. Abandonne tes pardons à ton Seigneur. Laissez-le, laissez-le, laissez-le. Abandonne tes pardons à ton Seigneur. Et tu crois, et tu crois, dans tes failles, il sera tes secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Si ta jeunesse t'abandonne et tu commences à vieillir, ton corps est couvé sous les poids des soucis. Ne te quittera pas, il ira avec toi au bout. Abandonne tes pardons à ton Seigneur. Laisse faire, abandonne tes pardons à ton Seigneur. Si de croix, j'ai de croix, sans nettoyer, il sera défait pourri. Abandonne tes paroles à tous, relèche-le, pour église, relèche-le. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous te remercions et te glorifions pour ce moment important que tu as donné à nos cœurs, à nos êtres sur la terre des vivants. Le temps de prière est l'un des temps les plus importants. Car nous pouvons nous occuper à gauche et à droite, mais ça nous fera que nous épuiser. Et même s'il faut aller étudier jusqu'à voir tous les titres du monde, ta parole conclut en disant que trop d'études est une fatigue pour le corps. Mais la prière renouvelle notre force. Et pour ce grand privilège, nous te bénissons. Et tu as dit par ton prophète, nous pouvons chanter trop. Nous pouvons prêcher trop. Nous pouvons parler trop. Mais nous ne prierons jamais assez. La seule chose qui n'est jamais hors de l'ordre vivant, c'est la prière. Et tu as même dit, priez sans cesse. Priez sans arrêt. Et toi, Dieu, tu ne t'ennuierais jamais de ça. Tu aimes nous voir en prière. Tu aimes nous voir prolonger nos prières. Non pas pour multiplier les paroles vaines, mais pour exprimer nos besoins. Insister et supplier. Oh Père, oh Tata, écoute maintenant notre prière. Tous les sujets que nous t'avons amenés ce matin, nous croyons que c'est confié aux bonnes mains, mais celui qui est responsable et n'oublie aucun de ses devoirs. Dieu, notre parent, notre Père Céleste, parent rédempteur, notre libérateur, qui nous décharge de tout fardeau et nous assure une paix profonde. Que ton nom Jésus soit élevé. Que ton nom Jésus honore nos prières. Que ton nom Jésus honore notre foi. Le long du voyage. L'avenir est plein d'inconnus, mais tous les inconnus sont faibles. Car notre avenir contient aussi quelqu'un qui est connu. C'est le Dieu et le rocher de notre foi. Tant que nous te connaissons, pour le passé et le présent, nous resterons confiants pour l'avenir. C'est toi qui as été avec nous, tu es avec nous, et tu seras avec nous, jusqu'à la fin du voyage, et même dans l'au-delà. Tu as tout disposé à merveille. Garde nos cœurs dans l'humilité maintenant. Et sortez-les par tes paroles. Pour terminer ce moment d'adoration. Dans la paix et la joie du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur en guise d'exhortation. Et afin de mettre une virgule à cette réunion de prière et d'adoration. De Deutéronome chapitre 8. Nous prenons le verset 17 à 20. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Bokokufa mpela moko na mabota oyo Yawe akobomaka liboso na bino mpe ete butosi mungongo na Yawe nzambe na bino te. Juge chapitre 14 verset 5 à 7. Masambisi mukapo ya zomi na mine mulongo mitano mpe ya sambo. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson, et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme et elle lui plut. Nasima Samson a tout à qui est si kamoko na tataraye, na mamanaye, et paye na timna upe, a komaki na li. Na bilanga ya mvinyo ya timina, mpetala, ilingena mkosi angungelaki painaye. Mulimu na yawe ekitelaki ya makasi, mpeye apasolaki mkosi lokola moto ako pasolaka mwana nantaba. Azalaki mpe na eloko na loboko na yete. Kasi alobelaki tata na ye pe mama na ye na yango esalaki yete. Nasima ekitaki mpe asosolaki na mwasi mpeye asepelaki na Samson mingi. Radio bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir maintenant au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Que la grâce de Dieu atteigne nos cœurs. Pour que ce moment d'exhortation soit un moment profitable. Et chaque croyant puisse tirer la meilleure part qu'il peut. Pour son expérience personnelle et son marche. L'expérience communautaire en tant qu'église du Dieu vivant. Notre exhortation de ce soir poursuit la méditation d'hier soir. Et nous avons intitulé la puissance du Nazirayat. La puissance de la consécration. La puissance de la séparation d'avec le péché, d'avec le souillure. Nous ne pouvons pas nous consacrer en vain. Ce que nous faisons pour Dieu n'a jamais été inutile. Il y a toujours des résultats. L'espérance et des attentes. Parce que Dieu ne fait rien pour rien. Dieu n'ordonne rien pour rien. Il y a toujours une finalité à tout ce que Dieu ordonne. Dieu ordonne à ses enfants. Et il y a un objectif, une finalité pour cela. Il a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et moi je dois dire amen. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Ça ne s'arrête pas à gonfler d'orgueil et de faire. Mais il reste en main divine. Au fait d'avoir le cœur pur. Vous verrez Dieu. Il y a une finalité. Ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Alors, en comprenant ça, je dois me garder pur devant mon Dieu. Toi aussi, tu dois faire demain. Tant que tu entends la voix de Dieu, tu as l'obligation de te conformer. Oui, heureux ceux qui ont le cœur pur. Et le même Dieu dans la même Bible a dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne fera. Nous aimons espérer voir Dieu en chair. Un jour, à la fin de notre marche, si vous voulez un jour le voir, alors recherchez la paix avec tous. Et la sanctification. Parce que si tu n'as pas la sanctification, tu ne verras pas le Seigneur. Mais pas seulement en chair, de tes yeux. On avait espéré Job, le juste, le croyant en ce moment. Dans les plus profonds de ses épreuves et ses détresses, oui, il n'y avait autour de lui ni dans sa maison aucune nouvelle manifestation de Dieu. Et cela pendant longtemps. Il pouvait se demander où Dieu est-il allé. Il est arrivé même à dire si je connaissais la porte de sa maison. Je m'approcherais pour toquer à sa porte. Et je lui exprimerai mon droit. Et il me donnera raison. Dans le plus profond de ses détresses, il s'entend abandonné par Dieu. Il n'y a plus aucune manifestation de Dieu. Ni onction, ni puissance, ni miracle, ni merveille, ni un signe d'attention, même un signe de restauration, même pas une force dans sa chair. Job se sent abandonné. Il a désiré voir la maison de Dieu. Mais lorsque la grâce de Dieu commence à s'approcher de nouveau de lui, Job a pu dire quelque chose s'ouvre. Je sais que mon rédempteur est vivant. Et je sais que même quand mes vers, les vers de mon corps auront détruit cette chair, je les verrai. Mes yeux le verront. Je ne parle pas des yeux d'un autre. De l'expérience de quelqu'un d'autre. Mais je parle de mes yeux à moi. En me rappelant de ma foi en ce Dieu-là. Qui est mon rédempteur à moi. Et je sais qu'il est vivant. Alléluia. Je sais qu'il est vivant. Toi aussi tu dois savoir. Que le Dieu que tu pries est vivant. Celui à qui tu as nous savons qu'il nous écoute. Quelque soit la chose que nous lui aimons. Nous savons qu'il nous aime. Elle est là. Job a voulu voir son rédempteur. Et il a demandé qu'un jour ses yeux à lui les verront. Ce sont ses yeux de chair. Tu devrais les voir. Bien-aimé, avant que le verre de son corps ne détruise son corps, alors que lui attendait ces jours glorieux où ses yeux de chair verront le Dieu de chair, après la restauration, après la résurrection de son corps. Le même Dieu que lui attendait de voir sa chair, il lui a réservé une visitation, une nouvelle manifestation de sa présence. Dans un tourbillon, il lui apparaît. Écoutez, quand Dieu ordonne la sanctification, il y a des retombées parfois inimaginable, mais contenu dans les merveilles de Dieu, les belles surprises de s'il garde pour ça. Ce job-là a eu à voir son rédempteur. Quand Jésus-Christ est mort à la croix, Job, son corps était détruit dans le corps. Son corps. C'est Jésus-là qui mourait. Et il est allé dans l'au-delà. Dans le paradis, où libérer les justes de l'Ancien Testament. Il attendait la venue du Messie. Et parmi ces justes, il y a un homme qui a vu appelé Jésus. Et ce Jésus-là a ressuscité son corps. Les hommes aujourd'hui nous parlons. Parmi les esprits de justes parmi nous, la parole. Avant l'époque de la croix de Christ, entre la croix de Christ et la croix de Christ, des années plus tard, et la confession de Job dans Job 19, quand il avait dit je sais que mon rédempteur est vivant, alors s'interpose la réaction de Dieu dans Job 41 et 42. Lui attendait de le voir dans la chair. Mais avant que le temps de le voir dans sa chair, ressuscité. Dans son corps de résurrection. Comme c'est arrivé plus tard. Dieu lui a permis que dans son même corps corruptible là. Son même corps faible là. Qui était assailli par des détresses. Et un ulcère malin, c'est-à-dire un cancer de la peau, qui n'était pas qu'un cancer de la peau, mais c'était aussi un cancer de fanaise. S'arrosé et sa peau, et ses ongles, et ses cheveux. Avant que l'âge de cancer n'arrive aujourd'hui, et que Frère Benham nous écrive une petite brochure intitulée As-tu peur du cancer? Le cancer est le cancer, le cancer est le cancer, le cancer est le cancer, le cancer est le cancer, le cancer est le cancer, le cancer est le cancer, le cancer est le cancer, le cancer est le cancer, le cancer est le cancer, le cancer est le cancer, le cancer est le cancer, le cancer est le cancer, le cancer est le cancer, le cancer est le cancer, le cancer est le cancer, le cancer est le cancer, le cancer est le cancer, le cancer est le cancer, le cancer est le cancer, le cancer est le cancer, le cancer est le cancer, le cancer est le cancer, le cancer est le cancer, le cancer est le cancer, le cancer est le cancer, le cancer est le cancer, le cancer est le cancer, le cancer est le cancer, le cancer est le cancer, le cancer est le cancer, le cancer est le cancer, le cancer est le cancer, le cancer est le cancer, le cancer est le cancer, le cancer est le cancer, le cancer est le cancer, le cancer est le cancer, le cancer As-tu peur du cancer? Nous sommes dans cet âge où le cancer ronge. Et chacun de nous, humains, ici, tel que nous sommes là, nos corps produisent des cellules cancéreuses par millions chaque jour. Vous devez le savoir. Par millions. Ce qui subsiste, c'est quand ton système de défense élimine ces cellules-là. La défense immunitaire de ton corps. Voyez là. Donc, notre corps humain est vraiment mortel. Tu es un cadavre en devenir. Mais quand tu recherches la paix avec tous et la sanctification, il y a une retombée. C'est que tu verras le Seigneur. Or, voir le Seigneur, ce n'est pas seulement comme pour Job. Ou plus tard là. Tu peux le voir aussi se manifester dans ta vie. Tu peux le voir manifestant sa glorieuse présence au courant de ta vie dans ce corps corruptible et mortel. Et ça, Dieu peut te l'offrir plusieurs fois. Autant qu'il le voudra, autant que tu le lui demanderas. Mais je suis le retombé du Nazirea. C'est la récompense de la consécration. Qui dit amen, alors que nous attendons le retour physique de Jésus-Christ. Maintenant, je vous demande, est-ce que le croyant de ce message, dont vous entendez le message sur banque, ou alors que vous lisez dans les brochures, les différents croyants de différentes nations et villes de la terre, on dit Jésus-Christ dans le ministère de William Branham? Chose qui avait été privée aux Grecs autrefois. Le signe du Messie. Des pécheurs. Il n'a pas aucune notoriété dans le royaume de Dieu. Et la miséricorde de Dieu après j'ai ce garçon faisant de lui un Nazirien et lui a donné un ministère qui a été la reproduction du ministère de Jésus. Et ça a été l'amplification. Le ministère de Jésus-Christ par le nombre, la carité, le miracle, on ne l'a plus accompli. Non pas dans un corps de parents chrétiens, mais dans un corps de péché racheté. Amen. Parce que nous autres, nous sommes ici comme Mathieu. Sous cet égard-là, Branham a été incomparable à tous les serviteurs et prophètes et apôtres qui l'ont précédé. Et le ministère a été amplifié. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Dieu de Luc 17:30. Il est ton Dieu, il est mon Dieu maintenant. Il peut manifester à travers son église. Fais confiance que si tu te consacres. Amen. Et Kabu. Et il respecte les règles du Nazaréa. Il ne manquera pas de voir Dieu. Il ne manquera pas de voir la puissance de Dieu. Il ne manquera pas de recevoir les visitations du Seigneur. Amen et amen. Et les solutions de Dieu se multiplieront. De même que des problèmes se multiplient dans ta vie. De multiplication de problèmes. Tant de multiplication de solutions. Il y a un problème, solution existe. Devant Dieu le Tout-Puissant, il n'y a pas de maladie incurable. Il n'y a pas de maladie redoutable. Devant Dieu le Tout-Puissant, tout problème a solution. Et oui et amen. Et oui et amen. Et frère m'a dit ceci. Tout mon ministère. Le temps où nous avons le plus de l'aise a dit. Déclaré. Amen. C'est pour vous faire prendre conscience de sa présence. Et je sais que quand vous prenez conscience, votre attitude change automatiquement. Ça a toujours été l'attitude qui manifeste les injures. Et si je vous dis encore, qui est ici, toi aussi change l'attitude. Et par sa bonne attitude, la bonne attitude mentale. Le lendemain, pas à l'évangile. Dieu de Branham est encore ton Dieu. Il te visite, il est ici. Amen. Il est ici. Il est ici. C'est lui qui te parle. Quand tu sens que le message te concerne. Même quand des fois tu es assez distrait. Pour manquer d'entendre ce qui te concerne. Et lui te parle. Il fait sa part. Attendant tes retours. Attendant tes réactions. Que Dieu te bénisse. Voyez-vous ça? Ici. Alors, juge, vous avez vu ce qu'a été Samson face au jeune lion. Vous entendez? Écoutez ce que dit Frère Brenham. En accord avec ce que nous avons lu là. 14, nous avons lu le verset 5 à 7. Je peux prendre ces commentaires. Par rapport à cela. Donc Samson n'était pas allé dans une mission officielle commanditée par Dieu, mais il marchait par inspiration du Seigneur. Samson a kenda kite na musala onzambe a senga kite a kenda kasi a kenda kena kokamba ma kenda na mulimu nzambe. Quand l'inspiration du Seigneur te conduit, ce qui te pousse à mon mulimu nzambe kokamba kaya. Même à travers tes voyages et affaires privées. Atapo na mobembo to misala na yo ayo moto. La gloire de Dieu ne manquera pas de se manifester. Kemo nzambe kosanga tena komoni. Même quand ce serait dans des vies strictement privées. Atapo chaque fois que bebele ka mulimu Dieu sera au rendez-vous. Et kemo nzambe kosala. C'est la force du Nazaréa. Sois consacré tout le temps. Et alors tu permettras à Dieu de manifester sa présence, sa puissance, n'importe quand. Même des fois quand tu ne t'y attends pas. Mais la mort, tu y attendrais les mois. Et c'est lui qui te suit de près. Et qui a dit qu'il connaît le pas du juste. Les pas du juste sont connus par l'Éternel. Dieu ne s'empêchera pas de manifester sa gloire, sa puissance, son esprit, son onction, son programme le prévoit. même dans tes affaires privées. Attaque qu'on ait mis voyez Frère Branham. Vous m'avez dit Branham. Beaucoup l'ont critiqué. Mingi baton ah, quel genre de prophète. Il y a une église de grand nom. Mais tu perds tout son temps à aller toujours à la chasse. Ouais, il est allé chercher les gibiers. Mais quel genre de pasteur qui devait être demandé de moi. Et il est dans la chasse pour chercher quelque chose pour son ventre. Et on a dit que c'était un ouvrier du ventre. Il délaisse l'église pendant des mois et des mois. Et l'église fait face à des problèmes divers. Et l'église ne trouve pas là. Et puis il revient au nom, il jetait à la chasse. Il était politique, faire une partie de pêche. Il a fait la mise au point. Il dit, écoutez, quand moi je vous dis que je pars à la chasse, ce n'est pas pour les besoins de ma famille. Mais aller à la chasse signifie pour moi me tenir seul devant Dieu. Recevoir de sa part les directives pour le ministère et les messages que je prêche ici. Vous comprenez que comme c'est Dieu et son inspiration qui vous guide, même vous êtes prêt à être les affaires privées. Vous utilisez chaque occasion pour sa gloire. Et il sera en train d'accomplir son programme avec vous. Et toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors ne critiquez pas pour critiquer. Avant de critiquer, tournez votre langue. Ce qui paraît charnel à vos yeux, c'est pour le Saint-Esprit. Ça sonne. Est allé dans une affaire amoureuse. Il partait chercher une fiancée. Mais il était un Azigaïen. Dans ce qui se faisait dans sa vie, il cherchait une occasion pour manifester sa puissance. Et pour nous, enfants de Dieu, il n'y a pas trop de vie privée. Nous sommes au service de Dieu. Quand vous l'avez accepté, vous subirez tout ce qui viendra. Mais il y a de bonnes retombées, parce que tu verras la gloire de Dieu. Tu jouiras de sa puissance. Et ça, c'est merveilleux. Moïse, le grand serviteur, prédication. Je vais lire là-bas. Moïse, le grand serviteur. Prêché à Chicago. Le 22 janvier 1955. Paragraphe 34, quatrième partie. Jusqu'au paragraphe 37. Oh mes chers amis, c'est important ça. Fait tout à merveille. Samson, lorsqu'il allait voir sa femme. Tango abandonne qui me coquette, la comme moi si naïe. Vous qui voit des drôles. Mais moi, mon balai rose, il paraît que Zambé a baptisé un Nazirien. Il y a Malonga, à mon époque, il est supposé que je suis vie privée, je suis un baboulin. Milinga linga. Un Nazirien se sépare de tout ce que le monde a à dire. Vanassali, Azel Kokabana, la onion, Babo Kili, Bakoloba. Ça ne t'affecte pas. Écoute, ça ne va pas te faire. Un Nazirien. Ce qui compte pour toi, c'est Dieu et sa volonté. Ce qui compte pour toi, c'est ce que dit l'Esprit à ton sujet. Et dit du monde, des païens, des voisins, des frères et sœurs, membres de la famille, même des cousins. Ne t'affecteront jamais. Je veux que tu dises Amen. Écoutez, Samson, lorsqu'il allait voir sa femme, son ami, un lion surgit. C'était un tout petit homme, lui Samson, comme on a dit hier. Un tout petit homme, dans un peu près de taille. Et il avait cette petite boucle de cheveux qui pendait. Et c'était un drôle de petit ayant l'air femellette. Il avait les apparences d'un efféminé. Donc moi na botami na mama wa na mwasi ya manwa ke na kimununu na ye azuka elongi ya mama. Et c'est comme un petit efféminé là. Nokola mwana mwasi mwana bon. Mais na zikaya. Zoka nda zaki mwana sali. De petits détails. Et les gens n'arrivaient pas à comprendre. Comment un tel homme pouvait être si fort? Nous tombons, nous poussons, nous tombons. Il y a un visage mou. Et on dit, côté. Maintenant, les gens n'arrivaient pas à comprendre comment ce petit homme, d'allure femellette, comme un efféminé, mais il était si fort. Comment? Nous tombons, nous poussons, nous tombons. Et on dit, il y a un visage mou. Il y a un visage mou. Et alors, si son chemin, pendant qu'il partait voir sa femme, un énorme vieux lion a surgi. Et il s'est dit, eh bien, regardez-moi ça, ce qui m'arrive. Samson, Samson, un drôle de tout petit homme, efféminé, s'est tenu là. Et ce lion a surgi. Et il était de loin plus grand que Samson. Vous voyez la taille du lion. Le lion est gigantesque. Je vous demande, dans le naturel ici. Entre l'éléphant et le lion, qui a la grande corpulence? L'éléphant. Entre la girafe et le lion, qui a la grande corpulence? Entre le buffle et le lion, qui a la grande corpulence? Continuez la liste. Mais le lion est l'animal le plus fort de la forêt. Il est plus rapide que tous les animaux de champ. Quand il veut attraper une hyène, parce que les hyènes font partie de ces petits animaux qui courent tellement vite à lui. Si le lion décide d'attraper la hyène, il va la voir. Parce que dans son rugissement, il y a une force paralysante. Donc quand ce rugissement l'a retenti dans les oreilles de la hyène ou de n'importe quel animal, la force de course de l'animal se ralentit. Donc même l'animal lui-même perd confiance en sa capacité d'échapper. Imaginez. Maintenant, Samson n'avait pas une corpulence épatante. Il n'avait pas un visage intimidant. Dans l'union. Quelque chose d'effrayant comme ça. Mais il avait un visage d'allure féminin. Il avait un visage de femme et puis un peu trop beau là. Vous voyez? Parce que dans toutes les espèces, quand vous regardez le mâle chez les animaux, le mâle est plus beau que la femelle. Otali la mobali, il n'y a que dans l'espèce humaine où c'est la femelle qui est plus belle que le mâle. Et les hommes sont si agités devant les femmes. Ils perdent la maîtrise, ils perdent le contrôle. Embrouillé comme pas possible. Bon, les autres sont devenus des enfoirés. Tout ça devant la beauté féminine. Nous sommes à Miss, comme il y a la cima. a commis dans la vie, Bilili est mort, moi, il a dit, tiens, dans d'autres. Mais pour lui, il a sauté. Bilili, on est ticalier, tiens, dans d'autres, voilà, à l'autre. Ah, les enfoirés. C'est pas sérieux, hein. Ils ont dit, soyez délivrés. Vous, mes hommes, messieurs, soyez délivrés. Vous ne nous balayez pas pour la main. Tu peux commander le bête misou mille fois. Tu triches en regardant. Vous allez quoi dire, Jétal? Tu regardes de manière à ce qu'il ne voit pas. Vous allez faire un moment où tu mises sur Baloukat. Vous allez sembler de ce moment où tu as été. Après, dès que vous vous mises sur Miss. Moumou. Ça c'est faux. Voilà ma belle. Le peuple est comme ça. Tu dois avoir un caractère chrétien. Tu domines les gens, tu fais les sentiments. Amen. Amen. Oui, oui, oui, oui. C'est grave, hein? Et toi aussi, tu dois avoir la féminité. Faut pas que Mibali Wana. Na qui enfoiré na yé ayo ko amruyu na ba malo mo ko suka tanga du na po wem wapi yo pe ko mi ko le salinga digi digi ce n'est pas sérieux ça le bal malo do ngoti mais comment je vais faire confiance comme ministère ndem na ba chelo mo chelo ngoti arrêtez les bêtises votre cœur est soto gardez votre cœur pur et vous verrez Dieu et te battre mo chelo ngoti pas pas comme on vous entendez ton amen moi que ça te ndibe te bandi ko zo amawa ce ko le pourquoi so kananga na kanio. Moi je te dis la vérité. Moi je vais me confesser seul. Aux gens, on te coule la vérité. Amen. Attends, au fond, on le met sur la boutique à thé. La vérité. Amen. Gardez votre cœur pur. Battez-la, battez-la, battez-la. Cherchez la paix avec tous. Vous continuez à la et la sanctification. Sans laquelle personne ne verra la paix. Amen, encore amen. Amen, encore amen. Vous allez bon, vous allez bon. Suivez ceci. Alors, c'est Samson là. Des carines petites comme ça. Et tes femmes sont en gros, mon moutoukéouana. Un petit bougard. Et tes femmes sont en gros, moutoukéouana. Alors les gens n'arrivaient pas à comprendre comment était l'homme et pouvait être si fort. Bah, tu m'as compris, tu m'as compris, tu m'as compris, tu m'as compris. Il ne t'aurait pas. Il ne pratique pas les sports. Il était juste naturel comme ça. Et Samson, il est juste naturel. Yo! Et un énorme et vieux lion a surgi. Regardez ici nos expressions de foi. Un énorme et vieux lion. La Bible dit un jeune lion. Frère Branham dit bon, dans les commentaires, un vieux lion. Ça me revient ici. Pardonnez-moi aussi hier, en parlant de l'os de l'âne, la mâchoire de l'âne, j'avais dit un ossement desséché vieux. Non, la Bible dit que c'était les mâchoires d'un âne frais qui n'était pas encore desséché. La Bible parle de l'âne. Et tes bibliers, ils allaient te pas du millet. Ils allaient te dire, de petits mots comme ça, c'est que c'est mal. C'est mal. Vous allez penser que parce que le millet, c'est le croisement du cheval avec l'âne. Et tes millets, c'est l'hybridation. Nous allons dire que nous sommes tous les gens qui sont là. Et à cette vieille époque-là, cette histoire d'hybridation de ce niveau-là qu'on a connu dans les dernières années, dans les derniers siècles ici, n'existait pas encore. Et la loi de Dieu elle-même interdisait cela. Voilà. C'est des petits mots qui se glissent. Et un énorme vieux lion a surgi. Samson s'est dit. Samson a eh bien, regardez-moi ça, ce qui arrive. Samson, un drôle de tout petit homme. Efféminé. Samson a même poussé le cœur. Et ce lion a surgi. Et il était de loin plus grand que Samson. Alors qu'est-il arrivé? Suivez. Ce n'est pas Samson qui s'est avancé le premier pour dire bien, je vais te déchirer. Suivez bien. Donc il n'a pas fait de la puissance de Dieu sa force privée et personnelle. Mais il l'a gardé à sa bonne place, puissance de Dieu. Et que ce soit Dieu qui gère sa puissance en nous. Non pas nous qui détournons la puissance de Dieu à des fins privées. Une finalité égoïste. Ne faites jamais ça. Suivez. Ce n'est pas Samson qui s'est avancé le premier. Vous allez quitter Samson. Pour dire, tiens, je vais te déchirer. Mais l'Esprit de l'Éternel est venu sur lui. C'est ce qui avait fait la chose. Il y a une grande différence là. Si Samson s'était levé de lui-même pour aller sauter sur les lions, les lions pouvaient les mordre et les manger. Tirez la leçon par là. Comme dit l'Écriture dans Ésaïe chapitre 40. Ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. Ceux que la force qui a déjà agi dans le passé agisse encore. La puissance de Dieu dont tu as témoigné les années écoulées qu'elle puisse agir de nouveau. Ne fabrique rien de toi-même. Par une imitation imaginaire. Attends-toi au Seigneur, demande-le d'intervenir. Et il le fera en réponse à tes prières. Ce n'est pas Samson qui s'est avancé le premier pour dire. Je vais te déchirer. Mais l'Esprit de l'Éternel est venu sur lui. Et c'est ce qui avait fait la chose. Il a tapé derrière. Il a senti ses sept presses. Nazirea Isali. Samson touché comme ça. Samson a maman qui a reboué. Le Nazirea est sur moi. Voyez, c'était l'alliance. Il n'a donc pas eu peur du lion. En face de la mort, il n'a pas eu peur de cela. Si vous pouvez taper derrière, même vous les sœurs qui avez des cheveux, hein? Et toi même si tu n'as pas de cheveux, tu dois couper les tiens. Mais tu le coupes pourquoi? Si vous le laissez à la femme. À cause du Nazirea. Donc pour respecter le Nazirea, le signe du Nazirea chez les femmes, moi homme je coupe mes cheveux. Elle est née du Seigneur, moi aussi je suis né du même Seigneur. Car dans le Seigneur il n'y a point d'homme sans femme. Il y a des femmes sans hommes. Les deux sont un. Nazirea nous unit. La sanctification est la même. Masculine et féminine. Gloire à Dieu. Si vous pouvez taper derrière. Si Samson a pu sentir le sept traits. Et reconnaître que c'était une alliance. Parce qu'il était né Nazirien. À combien plus forte raison un né du Saint-Esprit peut-il sentir la puissance de Dieu et reconnaître que c'est l'alliance pour tuer l'ennemi qui est devant lui. Amen. Mais au bout de mon limo, mon centre, Yamonde était une sanctification à Bashi, était une Nazirea, Babam, Babam Basugi Milaï, que toi, tu coupes les tiens pour laisser la femme, hein, garder les tiens longs. C'est le Nazirea, c'est le Saint-Esprit qui engendre l'homme et la femme. Dans le Seigneur, comme il est écrit en Colossiens 11, là, tiens-toi que c'est l'alliance qui est ton Dieu. Et par là, force pour tuer tout ennemi en face de vous. Est-ce qu'il y a un frère qui dit amen? Ne dis pas je suis homme, je suis femme. Je lis ici. Lisons 1 Corinthiens 11 rapidement. Je vais revenir ici. 1 Corinthiens 11, juste à verser. Que ceci t'instruise. Et t'équipe et te fasse prendre conscience. Oh! Il est dit ceci, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 11. Notre foi dans le Seigneur. La femme n'est point sans l'homme, et l'homme sans la femme. Dans le Seigneur. Mwasi azali na bosenga na mobali po mobali azali na bosenga na mwasi. Voilà. Tala. Galates chapitre 3. Verset 28. Il n'y a plus ni juif ni grec, nos nationalités. Il n'y a plus ni esclave ni libre, notre vécu présent ou passé. Il n'y a plus ni homme ni femme. Le principe c'est genre et tout ça. Car vous êtes un. En Jésus-Christ. Mourir dans l'alité sans qui mourir été. Mourir dans l'alité sans qui somité. Mourir dans l'alité sans qui moisité. Mourir dans l'alité sans qui moisité. Mourir dans l'alité sans qui moisité. Alors, s'il vous plaît, voyez-moi ça, mon amour. Pour voir la gloire de Dieu, la présence de Dieu dans votre cœur. Si Samson a pu sentir le stress, et reconnaître que c'était une alliance avec des ennemis nazis. À combien plus forte raison un homme né du Seigneur peut-il sentir la puissance de Dieu et reconnaître que c'est l'alliance pour tuer l'ennemi qui est devant lui. Amen. Si vous avez un homme, vous avez un homme qui est devant lui. Amen. Sortez aussi là. C'est l'alliance pour tuer l'ennemi en face de toi. Que cet ennemi prenne la forme d'un homme ou d'une femme. Papaye. Amen. Et tant que ma maladie, ton démon, les soumoutonini. Bomaye. C'est l'alliance de Dieu. La chisaille a yoté. Ma grâce à Nazireya, ils en aient jamais. Amen. Mais qu'on ne savait pas, Inayo. Toi, tu dois reconnaître qui tu es. Mais c'est la position que Dieu t'a placée. Amène ta foi en action. Ne raisonne pas, ne doute pas. Fais agir ta foi. Amen. Comme Élie sur le mont Carmel, il a reconnu sa position. Il a dit qu'il était un croyant en un Dieu vivant. Il était un envoyé de ce Dieu-là. Il a offert une courte prière face à des ennemis religieux nombreux. De faux prophètes. Le prophète de Baal. Vous savez ce qu'il a fait? Et il a dit, éternel. Alors, qu'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Ce n'est ni par ta puissance, ni par ta force, mais c'est par mon esprit Dieu. Ce n'est pas la force de Samson, ni ta puissance, c'est l'esprit de Dieu. Et il est le même jusqu'à présent. Comptez sur lui. Attirez-les sur la scène. Tout ennemi doit périr. Tout ennemi doit périr. N'est-il pas écrit dans la Bible que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue? Le monde lui-même n'a-t-il pas été créé par la parole? Oui, c'est tu prononces la parole. Oui, c'est pas la lumière. Dis ce que tu veux que ton ennemi devienne. Oui, c'est la lumière. Et par ta langue, tu peux tuer. Quand il s'agit de l'ennemi, n'hésite pas. Je vais lire encore dans Jérémie chapitre 15. Pour Jérémie 15 ici. Ça me vient ici. Jérémie 15. Verset 19. Oh. À 21. C'est un passage bien connu. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, ne t'éloigne pas de lui, ne te sépare pas de lui, ne t'oublie pas dans la foi, ne t'oublie pas en spiritualité, et va de force en force. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Tu as prié, Dieu te répondra. Et tu te tiendras devant moi. Si tu sais pas ce qui est précieux de ce qui est vil, il sera comme ma bouche. Est-ce qu'on se commande en connexion? Amen. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu arrives à la connexion là? Toi, tu parles, mais c'est comme si c'est Dieu qui a parlé. Amen. Et tes paroles ont l'efficacité des paroles de Dieu. Amen. Dieu te le promet ici. Amen. Prends ça pour toi. Nous allons aller au Nazan Souté. Malheureux, est-ce qu'il y a l'eau, c'est qu'on a fait quoi? Quand le bâtiment pasteur n'a pas m'entraîné, il n'est plus. Parole est salie. Kakoui, et si ma foi d'ailleurs. Bande le côté le bas et c'est le moment bande à confirmer. Je veux des croyants forts, mais il ma casse bon en Dieu, ma casse est en ensemble dans le Seigneur, dans sa parole. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Peut-être que tu n'es pas dans eux. Je te rendrai pour ce peuple. Ah, voilà. Comme une forte miraille de rein. Parce que si je la cite. Je te rendrai pour ce peuple. Comme une forte. Ah. Lobby, c'est le bas qui forte. C'est une miraille de rein. Mais aux Okande, c'est que tu as un mot forte miraille. Vous savez pas que le bébé est tout le temps. Et ça, les reins, tu es fort. On y ajoute encore le qualificatif. Une forte miraille. Vous attendez mon temps pour la commande. Qu'est-ce que vous avez dit? Mais c'est pas ça. Mais c'est Dieu qui dit ça. En vérité, vous pouvez à Sangissa, que vous avez pour moi le droit. Mais c'est incroyable. Et la paix est pour qui vous voulez ça. Alors ne crains aucune apparence. Mais donc, vous avez besoin de la. Ne crains pas les paroles de l'ennemi. Quand tu as le pouvoir de les anéantir. L'ennemi peut te maudire. Tu as le pouvoir de neutraliser. Anéantir les effets des paroles de l'ennemi. Je te déclare plus que vainqueur. Amen. Amen. Et tu sais, qui vient de te dire ça? Je te déclare plus que personne. Et tu sais qui vient de te dire ça? Et tu sais qui vient de te dire ça? Chaque année, vous êtes dans le signe. Oui, de vérité. Pas mal, mon seul. Amen. Prends la position. N'y est pas. Et sois équipé. Père, nous allons dans ma copie. Ne perds plus, ne perds plus un instant. Que bon du serpent, que bon du serpent, à mon temps, mon cher. Je te rendrai pour ce peuple. Comme une force miraille sera. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Celui qui te dit ça, ça a déjà déclaré plus que vainqueur. Et donc, même si les ennemis se multiplient, nous n'avons aucune possibilité de vaincre. Mais toi, Vokanolo, toutes les possibilités et même le pouvoir pour faire. Vous allez dans ma conquête de Konza Kolonga. Car la victoire. Pate Elonga appartient à Yézali à l'éternel. Toi qui as Dieu. La victoire est de ton côté. Elonga est allé dans l'ombre. La victoire qui s'appelle victoire. Elonga est bien là de Elonga. N'appartient pas à Satan. Yézali n'est pas une Satan. Il n'y a aucun démon. Il n'y a aucun péché. Il n'y a aucune maladie. A aucun trouble de la victoire appartient uniquement au Seigneur Dieu. Et pourtant, toi, tu as Dieu. Donc, tu as la victoire. Continuons. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi. J'ai, moi qui appartiens à la victoire, je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants. Je te sauverai de la main des violents. Amen pour toujours. Vous allez vous Amen pour l'éternité. Tous les jours de ta vie, même en plein sommeil. Et là, ta malheureuse, et là, ta cible. Amen, amen. Et là, ta molimone et mon bimba. Amen, amen. Et soin de l'homme matin à notre. Amen, amen, amen. Au colon à matin à sa moyawa, au colon à matin à sa pongi. Amen. Je te déclare plus que vainqueur. Même dans l'au-delà après la mort. La victoire appartient à ton Dieu. Je ne te laisserai pas. Je ne te laisserai pas. Moi, j'ai choisi la vérité. Je ne la lâcherai pas. Ok. C'est une alliance. Le Naziréat, à travers tes cheveux, et dans le cheveu naturel, aussi le Naziréat, c'est la colonne de feu. Amen. Et le Le Naziréat, confisque lui la victoire. Abenga ma maladie. Abenga. Yebise na boto lui elonga. Posa na droit kota na elonga te. En face de moi, croyant de Jésus-Christ, croyant du message, tu n'as aucun droit ni aucune possibilité de vaincre. Ozako longama, ozako bukana, oza e bembe. Combat face à face. Il dit maintenant, parlant de cet ennemi, qu'il s'agisse de la maladie, qu'il s'agisse de la tentation. Quoi que ce soit, vous ne pouvez pas supporter cela. Quand l'Esprit de Dieu vient, vous serez comme Samson, dans ce jeune lion, et chien, le Nazirien, la pasoli nyama ya makasho yo, pela moko ma pasolaka nyama oyo ya swagate. Mais oyo ya swagate aliaka, ba pasolie, ndenge ba pasolaka, oyo ya zakata na makoki ya koswate. Tu comprends ça? Ce petit secret là. Moi, c'est que les moutons. C'est-à-dire, l'ennemi n'a aucune possibilité de vaincre. Même de te défier. Rien. Il s'est avancé. Il a saisi ce lion. Lui, un petit bout d'homme. Aux cheveux bouclés. Il a saisi ce lion par le machin. Il a tiré. Alléluia. Alléluia. Tout ce dont vous avez besoin, nous sommes en train de faire chose. Christ, l'Alliance, l'Alliance. Le Nazireya, c'est un vœu. Ok. Vous ne savez pas le engagement. Il y a ce que Dieu a dit et il y a ce que tu fais. C'est l'alliance. Nul ne doit trahir personne. Pouvez-vous taper cela? Pouvez-vous taper encore? Amen. Oh là là. L'alliance. Si pendant que tu tapes, tu envoies le Saint-Esprit. Les gens à t'écouter. Pendant que tu tapes encore, tu envoies la colonne de feu. Tu peux mourir. Tu peux mourir. Et alors, quand il a déchiré ce vieux lion, parce que là, c'était un tout petit lapin, le père n'était vraiment pas le lion, ou quelque chose comme cela, il a taillé en pièces, pas salé en haut, comme ceci, et il a jeté son vieux cadavre là, et il est allé. Quelques jours après, il est passé par là, il y avait une ruche d'abeilles qui était formée là-dedans. Et il a mangé le miel le plus doux, il a échangé. Dans cette ruche d'abeilles, qui est formée dans la carcasse du lion, il est tué. En effet, l'Esprit de Dieu était descendu et l'avait été libéré. Alors, il y a eu l'énigme qui l'a balancé. Et ce qui mange et sorti ce qui est mort. Monguna lingaliayo. Abena mandoki. Féticheur, 53 malins et le côté. Amen. Oko benda katinaye, dile yastango malam. Balkriti de kotoka, oko edifie fonayo. Te oya mekaki, akutani penango. Est-ce que tu crois en ton Dieu là? Amen. De lui qui vient te manger. Oui, il est le manger dans la parole. Dieu confirmera les promesses. Jamais, à ta faveur et la personne du Sama est pas de nous. Dieu accomplira sa parole. Jamais, à ton profit et à son détriment. Ça, moi j'aime. Voilà. Voilà. L'Esprit de Dieu était descendu et l'avait déchiré, délivré. Et si vous avez un problème ce soir, et que vous sentiez l'Esprit de Dieu de vous voir sur vous, taillez cette chose en pièces. Et la chose suivante, vous aurez un témoignage qui ébranlera les bardeaux de la maison. Amen. Vous êtes dans l'alliance circoncis par le Saint-Esprit. Amen. Taillez-moi la chose en pièces. Tâtez encore. Le l'esprit autour de toi. Amen. Lève-toi maintenant pour le dernier mot de prière. Et là, tu pourras encore tailler en pièces. La chose devant toi. Le bel aïe, on a pas choli, pas choli. Amen. Osana mino kusongaïté. Osana makoukia kolongaïté. N'a pas choli, pas choli. N'a bomi, bomi. Et chili, ponaï. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Louange en Jésus-Christ. Amen. Louange en Jésus-Christ. Amen. Amen. Victoire en Jésus-Christ. Amen. Amen. devant Jésus. Amen. Parle à Dieu et parle à l'ennemi. Réduis ton ennemi en ayant. Avec la foi que Dieu t'a donnée. La consécration et l'amour des choses de Dieu. Tu peux affronter n'importe quoi. Que Dieu fortifie ta foi. Que Dieu élève ton niveau. Prions chacun. Thank you. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, par ce moment solennel, où nous nous sommes présentés devant toi, et tu es descendu à notre rencontre, pour manifester ta glorieuse présence, nous en faire prendre conscience, édifier notre foi, renouveler notre force, nous encourager et nous déclarer plus que vainqueurs, nous équiper de puissance de Nazaréa pour nous permettre de te voir dans ta gloire et de te voir un jour dans nos corps de chair, même dans les corps de résurrection à ton retour imminent. Seigneur, garde chacune de tes brebis, ta parole exauce nos prières. Toi qui as honoré la foi des gens, honore aussi la foi de chaque frère qui souffre, chaque soeur qui souffre, que sa foi soit honorée en ton nom. De ta manière, produit la délivrance comme tu avais délivré Samson face à un lion. Tu voulais le manger, mais tu lui as donné la force par ton esprit présent, manifesté, et il a déchiré un lion comme on déchire un chevreau, pour dire que même les dents et la gueule du lion n'étaient plus un danger pour le croyant. Neutralise nos ennemis à tous égards, à tout instant, que ce soit la maladie, la tentation, le péché, l'impureté, la souillure, les inimitiés, les provocations, n'importe quoi, anéantis les yeux faibles, au nom de Jésus-Christ. Soutiens chacun et que nous voyons ta lumière, nous voyons ton bonheur, nous voyons ta protection, nous puissions ajouter des témoignages pas à pas, jour après jour, ajouter des témoignages pour même branler les murs de la maison. Tu es le même Dieu des apôtres, maintenant élève le niveau de foi de chacun dans le merveilleux et puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et veuillez vous asseoir.